Radio. Aujourd'hui, midi. Ne ratez rien des meilleurs moments de l'année 2018 au 106.9 Mauricie avec Raphaël Pepin. Le meilleur de l'année 2018. Aujourd'hui, midi. 106.9 Mauricie. Attendez-vous à plus. Le 106.9 Mauricie vous présente « Que la Mauricie se lève » avec Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Marc-André Pelletier. Votre référence en information. Que la Mauricie se lève. Merci, monsieur Lagrosois. 8h06 en ce vendredi 28 décembre. De la neige à l'extérieur, c'est ce qui va prévaloir pour une bonne partie de la journée. On nous prévoyait 5 cm. J'ai comme l'impression qu'on va l'atteindre, si ce n'est déjà fait. Et ensuite, de la pluie verglaçante est prévue en fin d'avant-midi, début d'après-midi, selon les différents secteurs de la Mauricie. Maximum à 0 pour aujourd'hui. Ce soir, la nuit prochaine, la pluie verglaçante qui change en pluie intermittente, du brouillard prévu au courant de la nuit. Et c'est là que ça devient intéressant parce que selon les secteurs de la Mauricie ou du centre du Québec, ça va être soit 8 ou moins 8. Ah. Ça se promène quelque part là-dedans. Il n'y en a pas de problème. Ça. Demain, samedi, de la pluie intermittente qui se change en faible neige, ça s'interrompt tout ça en milieu de journée avec un maximum à moins 10. Et le soleil à temps plein est prévu pour dimanche avec un maximum à moins 11. C'est moins 14 degrés centre-ville, Trois-Rivières, la même chose sur la rive sud. Pardon, c'est l'émotion, oui. Moins 13 du côté de Shawinigan. Mea culpa et point d'information. D'abord, mea culpa. Il semble que tantôt, en parlant avec Martin Francœur, j'ai dit Julie Boulay a perdu ses élections. Elle a perdu par forfait parce qu'elle ne s'est pas présentée. Alors voilà, pour cet élément-là, si jamais j'ai dit ça, ben effectivement, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. Et également, il y a Gabriel qui nous demandait sur Facebook, est-ce que l'émission du midi va être partagée sur le site web? Toutes les émissions sont partagées sur notre site web fm1069.ca. Et même l'émission spéciale d'hier, quant à la démission d'Yves Lévesque, elle est présente en intégralité, donc 3 extraits d'une heure pour 3 heures d'émission. Exactement. Et donc, pour ce qui est de l'émission de ce midi, on vous mettra ça sûrement dans la catégorie Midi Plus. Ben en fait, il y a une case déjà. Il y a un onglet déjà. Bon, pour l'émission de Raphaël, oui. Les meilleurs moments. Je suis allé voir ça. Oui. Bon. L'auditeur Marc nous dit que la pluie verglaçante est déjà commencée. Ah oui, dans quel secteur? Trois-Rivières. La Mauricie. C'est ça, la Mauricie sort du Québec. OK, parfait. Merci à Marc 819-376-1069. Si jamais vous voulez nous informer sur comment ça se passe chez vous, effectivement. Et également, il y a des gens qui écrivaient sur la page Facebook du 106.9 Mauricie dans la messagerie privée qui nous disaient l'autoroute 55 à la hauteur de Shawinigan et Saint-Boniface, là, le segment entre les deux, c'est plus compliqué en ce moment. Alors, soyez prudents et en tout temps, il y a de la place pour vous autres pour nous informer de la situation. Marc-Antoine Nouniez, c'est les actualités que j'ai aux nouvelles. Oui, exactement, Marc-André. C'est justement ce qui retient notre attention. Les conditions routières sont difficiles un peu partout ce matin dans la région. Sur la rive nord, les routes sont partiellement enneigées. Des faibles accumulations sont présentes. Sur la rive sud, les routes sont pour la plupart enneigées. De la glace est présente sous la couche de neige, ce qui peut également compliquer les déplacements. Le porte-parole du ministère des Transports du Québec pour la région, Jean Lamarche, affirme que les effectifs sont prêts à agir contre la pluie verglaçante prévue dans les prochaines heures. Bien évidemment, nous, au niveau du ministère, là, pour chaque tronçon de route, là, on a fixé là, des exigences là, en termes de délai d'intervention où on va, par exemple, appliquer des produits de déglaçage, des produits abrasifs. On est vraiment là au niveau là, d'une veille opérationnelle là, sur nos routes. On s'y attend, comme vous le dites, et puis on veille au grain. Du métal pourrait être présent dans de la viande hachée vendue à Shawinigan durant la semaine dernière. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, indique de ne pas consommer le bœuf extra-maigre, mi-maigre et maigre qui proviennent du Super C Shawinigan Royal. Le veau de grain haché pourrait également contenir ces objets indésirables. Les emballages du 22 décembre sont visés par cet avis. Selon Radio-Canada, le MAPAC indique qu'une plainte lui a été adressée à ce sujet. Ceux qui en possèdent de cette viande doivent éviter de la manger et peuvent également la rapporter là où elle a été achetée. Hier, à la sortie de la séance spéciale du conseil municipal qui annonçait officiellement le départ d'Yves Lévesque, les élus ont souligné de façon unanime la contribution du maire démissionnaire à la ville de Trois-Rivières. On rappelle que ce dernier se retire pour des raisons de santé. Les conseillers municipaux l'ont notamment encensé pour son engagement. C'est le cas de Maryse Bellemare, Pierre Montreuil et de Claude Ferron. Notre priorité, c'est de lui offrir, de la retrouver sa santé, autant pour lui que pour sa famille. Je suis heureux de voir qu'une personne choisisse sa santé et sa famille avant la politique. C'est plus fort que moi. J'ai envie de saluer l'engagement qu'il a eu pour sa ville. Un mot également pour mentionner que le jeune fugueur de 17 ans, Dylan Ricard, qui était recherché hier en après-midi, eh bien, a finalement été retrouvé en fin de soirée. Les cas d'infection à la bactérie E. coli ont doublé dans les 6 dernières années, rapporte Le Devoir. Un expert consulté par Le Quotidien affirme que la hausse s'explique notamment par un meilleur dépistage de la maladie. En 2017, 210 cas de la bactérie E. coli ont été recensés au Québec. En 2016, la maladie avait touché 133 personnes, alors que de 2011 à 2015, 96 cas ont été rapportés. Et finalement, un homme originaire de Québec est convaincu de pouvoir conduire la sonde spatiale New Horizons exactement là où elle doit aller le 1er janvier prochain. Cette journée-là, la sonde spatiale de la NASA doit se rapprocher le plus près de l'astéroïde Ultima Thule, qui est situé à 1,6 milliard de kilomètres au-delà de Pluton. Donc, Marc-André, c'est assez loin. C'est un papier voyage. Frédéric Pelletier est le chef de navigation de l'engin spatial. Il explique les défis qui l'attendent. Le timing est important parce qu'on voyage à des vitesses phénoménales de 14 km seconde ou 50 000 km par heure. Alors, si on est un petit peu en retard ou un petit peu en avance et on ne l'a pas dit ou on ne l'a pas informé, on pourrait manquer le bateau complètement. C'est un moyen défi. Et moi, ce que je retiens, c'est 50 000 km à l'heure. Ça va vite. Mettons. Et s'ils disent qu'on est en retard de une seconde, on pourrait manquer complètement la fin. Totalement. T'imagines-tu, tu te rends au fin fond de l'univers, de même, c'est quoi, 1,4 milliard, tu disais? 1,6 milliard. De kilomètres? Ouais, au-delà de Pluton. Ouais. Donc, tu t'en vas dans le fond, là, tu sais, là-dedans. Quand t'arrives au bout, là, ben, tu continues 1,6 milliard de kilomètres. C'est loin. C'est loin, c'est loin. Imagine-tu, t'es rendu aussi loin que ça, puis tu manques ton coup une seconde parce qu'il y a une mouche qui passe, puis... T'atterris à Terrebonne, finalement. C'est ça. Parce que c'est vrai, après Pluton, ça, c'est tout le monde le sait, là, on revient à Terrebonne. Ouais, ouais, c'est la fin du monde, effectivement. Il y a une affaire de boson de Higgs là-dedans et tout ça, et de vide sidéral. Allons-y, justement, dans les étoiles, 8h13. Jusqu'à 9h30, c'est... Que la mort ici se lève. Avec Marc-André Pelletier. Marc-Antoine, tu as apprécié mon jeu de mots là-dessus? J'adore. Meilleur que celui de Mathieu, je te confirme. C'est un bon public, je voulais dire que tu étais un bon public, mais je retire mon commentaire, finalement t'es pas un bon public. C'est bon, merci. Parce que oui, pour vrai, on va y aller dans les étoiles, parce qu'on va aller parler d'astrologie et de ce qui nous attend en 2019 avec Marie-Christine Dean. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, ça va bien? Très bien, vous aussi? Très bien, merci. Ça veut dire que vous avez passé des belles fêtes. Oui, oui, oui, c'est pas encore terminé. Le pire est à venir. rentrons dans le vif du sujet, Marie-Christine, ce matin, parce que ce que vous nous avez demandé, entre autres, c'est nos informations de date de naissance et tout ça pour pouvoir concocter ce qui nous attend pour 2019. Alors, je vous laisse aller. Bon, ben parfait. Alors, on va commencer avec Marc-Antoine. Très bonne idée. Lui, c'est un Sagittaire, ascendant Sagittaire. Oui. Alors, premièrement, j'ai vu que c'était quelqu'un qui manquait pas de confiance en lui, assez indépendant. Mais c'est quelqu'un aussi qu'on dirait que la chance a toujours été là dans sa vie. Au moindre moment qu'il y a un petit problème qui arrive, Jupiter, sa planète maîtresse, est toujours là pour le sauver. On peut voir pour 2019, il y a des belles choses qui vont se tramer pour lui. Okay. C'est définitif. Ouais, c'est vraiment une année, bonne année pour prendre. Oui. Oui. C'est une très bonne année pour prendre des décisions importantes. Alors, si vous avez des... Tu sais, c'est quelqu'un que je vois éventuellement dans la vie qui va réaliser, qui va vouloir concrétiser, produire, faire, développer. Tu sais, c'est un gars qui a quand même une énergie assez puissante. Oui, il nous tape ses nerfs un brin, d'ailleurs. Des fois, il faut qu'il apprenne à tempérer cette énergie-là, ouais. C'est sûr et certain. Mais définitivement, là, pour lui, là, 2019, rate l'a pas parce que c'est une année pour voir plusieurs de ses rêves se réaliser. pour Mathieu maintenant. Oui, alors, Mathieu, ça c'est fin. Ça, c'est vraiment là, quelqu'un qui fait preuve d'une compassion étonnante. C'est une sorte de, tu sais, d'amour sur deux pattes. Ah oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup, de sensibilité pour les. Oui, un peu doux, exactement. C'est quelqu'un qui a toujours aussi, tu sais, il prend à cœur la misère, le malheur des autres. Je sais que les deux dernières années n'ont pas été aussi faciles pour lui. Mais ce que je peux dire, écoutez, on dirait que, tu sais, on n'a pas reconnu tous les efforts qu'il a fait. On n'a pas, je pense qu'on y en a mis beaucoup sur les épaules, mais ce que je peux lui dire, de ne pas baisser les bras, il y a une belle récompense qui s'en vient pour lui en 2019. Oh, j'aime ça. Oui, enfin, parce qu'il l'aura vraiment pas volé, mais il est encore dans une grande période transitoire, d'autant plus que lui, il est poisson ascendant Capricorne. Alors, il y a Saturne, il y a Pluton qui est là. Alors, on voit que le temps va bien le servir. Alors, tiens bon, Mathieu. Merci pour ses demises, finalement. C'est ça. Et elle peut même pas savoir comment elle a raison dans tout ce qu'elle a dit. C'est drôle quand même, je l'admets, là. Vous avez raison. Merci beaucoup, c'est super gentil. Pour Marc-André, oui. Alors écoute, Marc-André, c'est un lion ascendant Vierge. Ah, c'est quelqu'un qui fait tout en son pouvoir pour pas subir de reproches. Ah, c'est le gars irréprochable, c'est un gars qui est extrêmement doué, c'est une autre personne que je dois dire qui a un cœur sur deux pattes, toujours soucieux des autres. Bon. On s'entend bien. La vie, il a pas fait de cadeaux. Il est obligé de travailler très fort pour ce qu'il y a eu dans la vie. Mais ce que je peux dire, définitivement, cette année, ce qu'il va semer en 2019, c'est ça qu'il va récolter en 2020. Alors, si on s'aime bien, la récolte va être au rendez-vous. Cependant, si on s'en fâche, ben, on aura à répondre de la conséquence de nos actes. Mais c'est définitivement une très bonne année pour lui aussi. OK. Et c'est une année de bâtissage, un peu, de ce que je comprends. Ben, vous savez, ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les gens, tu sais, ils ont une certaine crainte. On s'entend bien, 2018 n'a pas été facile. Mm-hmm. Hein, avec Jupiter qui est dans le scorpion, c'est une année qui a été assez intense. Cependant, depuis la mi-novembre, Jupiter s'est installé dans le Sagittaire. On dirait qu'elle est, c'est la grande bénéfique. On dirait qu'avec sa présence dans son signe, où est-ce qu'elle est chez elle, elle est en force. Elle va être porteuse de solutions des problèmes de la dernière année. Il est espéré que les dirigeants vont tenir compte, justement, des expériences passées pour appliquer les bonnes solutions. Cependant, j'aimerais ça vous dire, tu sais, il y a encore ces fanatiques religieux-là qui vont encore faire des siennes. C'est malheureux. Okay. On voit que la maladie mentale est encore présente. Alors, je pense que des gens qui ne devraient pas se retrouver avec des armes. La population veut que les gouvernements mettent ses culottes, qu'il y ait des lois qui soient légiférées, qu'on ne puisse pas s'approprier des armes si facilement que ça. Oui, à l'international, ça va bouger un peu plus, c'est ce que vous voulez dire, là. Définitivement. Si vous êtes prêts, j'avais pensé aussi d'offrir un petit aperçu pour tous les signes du zodiaque. Ben oui, pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas... c'est quoi, Sagittaire, Lion et... Poisson. Parfait, okay. Oui, allons-y. Alors, on commence par le Bélier. Alors, le Bélier en 2018, ça n'a pas été facile. Hein, il y a plus qui se retroussent les manches, mettent la main à la passe. Malheureusement, la récompense n'était pas toujours au rendez-vous. En 2019, c'est une année de recommencement, c'est un renouveau, foncez de l'avant parce que, contrairement à l'année dernière, la récompense va être au rendez-vous. Et retenez ceux qui sont célibataires, là, juillet à août, ça va être adorable pour les amours. Alors, c'est un second début en tout pour eux. Les taureaux, ben avec Jupiter qui était en scorpion l'année dernière, il y a peut-être des gens qui ont eu le plaisir de dénicher leur perle rare. C'est possiblement une personne de source différente de eux ou qui vit dans un autre pays ou dans une autre ville. Ça va être une année sans cesse pour les amours. Tu sais, c'est l'année, on dirait que vous avez la chance de refaire votre vie. Mmh. La seule à Paris, apprenez à faire un peu la paix avec votre passé et vous allez voir que ça va être beaucoup mieux que 2018. Okay. Les Gémeaux. Bon, alors, comme je disais, un peu un peu plus tôt. Oui. Ça n'a pas été facile pour les Gémeaux dans la dernière année. Il y en a qui ont vécu des séparations. Il y en a qui ont connu des deuils. Ça a été des années de restrictions. Mais en 2019, on renaît. Le pire est passé. C'est une année d'ouverture, tant spirituellement qu'émotionnellement. Alors, gardez les bras croisés. Vous allez sentir toutes ces énergies-là un petit peu plus après votre fête. Donc, cancer, maintenant, ben alors, c'est une année de réorganisation. Okay. Hein, mettez les difficultés dans, surtout les petits cancers du premier, deuxième décan, ils ont quand même été assez éprouvés avec Saturne, Pluton à l'opposé. Je tiens à vous dire que c'est chose du passé. Mais avant, il faut faire la paix. C'est des petits émotifs, hein. Alors, essayez d'être plus en harmonie et ça devrait aller mieux. Les lions, maintenant. Ah ben là, les lions, je vous le dis, ça va être une année que vous allez retenir. C'est une année qui va être tout simplement adorable si vous êtes artiste de métier. Okay. Votre créativité va être en hausse. Il y a les lions qui sont seuls vont dénicher l'amour. Il y a peut-être la venue d'un premier ou un second enfant pour eux. Mais définitivement, tout ce que vous voulez mettre de l'avant, bougez. Vous êtes le signe le plus choyé cette année et avec aussi le Sagittaire. Mais c'est l'année pour se réaliser professionnellement. Il y en a qui vont gagner à la loterie. Il y a de l'argent qui s'en vient. Okay. C'est vraiment une bonne année. Les petites vierges maintenant. Oui. Alors, ça va être bon pour les amours. L'automne promet énormément. Alors, gardez confiance. Et prenez votre mal en patience. Les petites balances maintenant. Alors, il y a plusieurs projets et démarches qui vont être au rendez-vous. Les petites balances, ils ne resteront pas en place en 2019. Ils bougent, ils sont invités partout. Ils veulent prendre leur place et je les encourage parce que je sais que les dernières années n'ont pas été faciles pour eux. Mmh. Alors, joignez-vous à la parade et foncez de l'avant. Nos petits scorpions maintenant. Oui. Alors, les petits scorpions, hein, c'est des gens qui sont intenses, c'est des gens qui ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Moi, je dis, apprenez à mieux communiquer en 2019. Cessez justement de vous replier en dedans. Il y a des belles années qui s'en viennent pour vous, dont 2019 et 2020. Une rencontre inespérée ne me surprendrait pas. On va se faire de nouveaux amis. Bougez, je vous le dis, bougez. Il y a de l'argent qui s'en vient pour vous autres. Très bien. Les petits sagittaires, alors, c'est une année où est-ce qu'ils vont prendre de grandes décisions importantes. C'est bon pour faire un retour aux études, pour ceux que ça les intéresse. La chance va être au rendez-vous. J'en vois certains qui vont voyager. La seule chose à dire, faites attention si vous ne voulez pas accuser un petit surplus de poids. Quand Jupiter passe dans votre signe, on a tendance à accuser un kilo ou deux en trop. Les petits capricornes, alors comme je disais un peu plus tôt, c'est l'année pour foncer de l'avant, faire votre marque, ça va être propice pour les amours. C'est ce que vous êtes en train de semer là que vous allez récolter en 2020. Les petits Verseaux, c'est une année de renaissance. Il y a beaucoup de remaniements qui a eu lieu en 2018, surtout au niveau de leur carrière. Mais 2019, c'est une année de grandes décisions de vie. Okay. Et vous allez voir que les choses vont commencer à se dresser sur votre côté. Les petits poissons, maintenant. Oui. Alors, comme je disais, les deux dernières années n'avaient pas été faciles. Alors, c'est une année qui présage un nouveau départ pour eux. Ouvrez-vous à la nouveauté. Prenez la place qui vous revient. Alors que vous, la chance va être au rendez-vous, les opportunités vont se présenter également pour vous. Et j'aimerais souligner, pour si vous voulez en savoir plus, oui. Si vous faites www.astro-logique.com, j'ai rajouté d'autres prédictions en plus pour tous vos auditeurs. Excellent. Astro-logique.com, c'est ça? Oui. Et je vais vous faire une autre grande révélation pour ce qui va faire la une des journaux oui. en 2019. On va sûrement entendre parler de Hydro-Québec. Je ne sais pas s'ils vont être pognés dans une histoire de barrage ou de terrain. Okay. Vous savez, Uranus va revenir s'installer dans le taureau dès le 6 mars. Il va y rester pour les 7 prochaines années. Alors, Uranus, c'est l'électricité. Le taureau, c'est la terre. Alors, il y aura sûrement de la bisbille par rapport soit à un barrage ou un terrain. Je suis convaincue que Justin Trudeau va être réélu. C'est sûr et certain. Bon, comme je disais, il va avoir encore... la frappe des extrémistes religieux, c'est à s'y attendre. Il va peut-être avoir des organisations de bienfaisance qui vont peut-être se faire mettre la main au collet, surtout si on peut bien gérer les fonds. Okay. C'est à s'y attendre. Enfin, je vous en dévoilerai encore plus sur mon site. Beaucoup de choses à surveiller dans l'actualité, donc, Marie-Christine. Hein? Définitivement. Mais ce que je peux dire, c'est bien en numérologie, quand on additionne l'année 2019, 2 plus 0 plus ouais. 1 plus 9, hein, ça fait 12, 1 plus 2, ça fait 3. Le 3, c'est très en analogie avec le signe du avec Jupiter. Jupiter, c'est la grande bénéfique. C'est une année qui va être productive comparativement à l'année précédente. Mais tu sais, ça se fait pas du jour au lendemain. Mm-hmm. C'est lentement. Mais sûrement, mais on a raison de croire aux plus beaux espoirs comparativement à ce que c'était la dernière année. Bon, mais c'est au moins ça, on va pouvoir s'encourager de cette façon-là. Marie-Christine Dean, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Ça me fait énormément plaisir, puis bonne année à toute l'équipe. Bonne année, merci beaucoup. Bonne année à vous aussi, Marie-Christine Dean, donc astrologue. Le site web www.astro-logique.com si vous voulez davantage de prédictions et d'indications concernant justement ce qui vous attend pour 2019. Tout juste avant d'aller à la pause à 8h26, puisqu'elle parlait de bouleversement à l'international, un autre qui continue d'en faire des bouleversements, évidemment, Donald Trump. Et là, la dernière en liste, c'est qu'il menace de fermer carrément la frontière avec le Mexique. Vous savez, il voulait bâtir un mur. Ouais. Voilà. Et là, puisque le Congrès semble pas trop décidé à lui donner l'autorisation pour bâtir un mur à 5 milliards coq, lui, il dit, ben, parfait. Fait que d'abord, je vais fermer la frontière, on va le régler le problème. Mais tu fais ça comment fermer si tu mets pas un mur? Là? Ben, il va rajouter des soldats, tu sais bien. OK, plus de monde. Ben, probablement, okay. Ben, ça doit être ça. Tu sais, c'est pas dit officiellement, mais ça va sûrement être quelque chose du genre. Ça coûterait sûrement moins cher, en fait, probablement, non? Ben, en tout cas, de toute façon, tu sais, rendu là, il tirera ses enfants, puis il n'y a pas de problème. Non, mais tu sais, on est rendu là, c'est la prochaine affaire, ben, là, honnêtement. Ben, il y a déjà deux enfants morts, on ben, dit. Ben oui, c'est ça, de faim, normalement, et de mauvais traitement, mais en tout cas. Je vais m'arrêter là parce que ça pourrait déraper pas juste à l'extérieur. 8h27, on s'arrête un instant. Moins 14 degrés centre-ville, Trois-Rivières autour de la pause. Jean-Philippe Lemay dresse son bilan de l'actualité sportive en 2018 pour ce qui est de la région de la Mauricie. C'est à ne pas manquer. Merci d'avoir choisi le 106.9 Mauricie pour débuter votre journée.